الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتفقه في اسمين لله سبحانه وتعالى، وهما الخالق والخلاق. ولقد ذكرنا مرارا أهمية هذا العلم وثمراته في حياة المسلم. Aujourd'hui, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons étudier deux noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont Al-Khaliq et Al-Khallaq. Al-Khaliq et Al-Khallaq, donc le Créateur. Et nous avons cité et vu à plusieurs reprises l'importance de cette science et ses nombreux effets bénéfiques sur le croyant dans sa vie quotidienne, ainsi que la grande rétribution qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a préparée dans l'au-delà. Avec la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'augmentation de la foi. Avec la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a al-thabat al-din, le fait d'être ferme dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a al-sabr, tu as l'endurance et tu mets en pratique ce pourquoi tu as été créé. Tu te rapproches de lui davantage, tu l'aimes davantage, tu le crains davantage. Et nombreux sont les mérites et les effets découlant de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les noms d'Allah, il y a donc Al-Khaliq et Al-Khallaq. Al-Khaliq a été cité plusieurs fois dans le Coran. Et Al-Khallaq, bi sirat al-mubalagha, est venu deux fois dans le Coran. Dans Surat al-Hijr et dans Surat al-Yasin. Concernant le nom Al-Khaliq, يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم هو الله الخالق البارئ المصور ويقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. Concernant le nom d'Allah سبحانه وتعالى, le créateur, il nous dit dans son livre, c'est lui Allah, le créateur, celui qui donne commencement à toute chose, le formateur. Dans Surat al-Hashr, verset 24. Et dans Surat al-Zumar, les groupes, verset 62, il nous dit « Allah est le créateur de toutes choses, et de toutes choses, il est garant. » En ce qui concerne le nom Al-Khallaq, c'est comme Al-Khaliq, mais c'est ce qu'on appelle « Amadha Siratul Mubalagha ». Siratul Mubalagha, yani c'est que le mot vient sous une certaine échelle qui nous montre que l'attribut contenu dans ce nom est appuyé. Dans un autre domaine, on aurait pu dire c'est l'exagération dans la chose. C'est l'exagération dans la chose. Comme tu dirais, pour un homme qui a faim, il a faim. Et pour augmenter l'intensité de sa faim, tu dirais, il est affamé. Donc c'est le même sens, si ce n'est qu'il y a une différence de degré. Donc pour traduire Al-Khaliq, nous dirons ici le créateur. Et pour Al-Khallaq, on dira le grand créateur. Tabaraka wa ta'ala. Donc dans Surat Al-Hijr, verset 86, Allah nous dit « Inna rabbaka huwa al-khallaqul alim » Certes, ton Seigneur est le grand créateur, l'omniscient. Et le verset 80 de Sourate Yasin « Bal huwa al-khallaqul alim » Bala, Afwan, Bala, wa huwa al-Khallaq al-Alim. Ou que si, il est le grand créateur, l'omniscient. والخلق يطلق ويراد به أمران. الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى savant de la mosquée du prophète صلى الله عليه وسلم duquel ماذا je prends la plupart de mes sources ici en l'occurrence son livre Fiqhul Asma al-Husna ماذا nous dit que Al-Khalq, ce mot-là, Al-Khalq, la création à la base, on le cite, il a deux sens. Il a deux sens. أحدهما إيجاد الشيء وإبداعه على غير مثال سابق. Le premier sens de Al-Khalq, c'est ce que nous comprenons tous, ماذا, comme sens premier. C'est-à-dire, faire une chose, ramener une chose, à partir de rien. Sans qu'elle n'ait de semblable auparavant. Ça rejoint le sens de badi' ibda'u shay, comme Allah nous dit badi'u samawati wal ard, celui qui a créé les cieux et la terre sans exemple auparavant. On a créé les cieux, il n'y avait pas de semblable. On a créé les terres, il n'y avait pas de semblable. Ben le sens de al-khalq, c'est ainsi. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam. Parmi les créatures d'Allah, il y a donc Adam. Est-ce qu'avant Adam, il y avait quelque chose de semblable? Là. Donc ça, c'est un des sens de Al-Khalq. Le fait de créer une chose. Donc qui n'a pas son semblable. Allah nous dit, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. Dans sourate Yassin, verset 61 ou bien 71, Allah nous dit, ne voit-il donc pas que parmi ce que nos mains ont fait, nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires. Allah nous dit également, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Dans sourate Al-Qamar, au verset 49, nous avons créé chaque chose avec juste mesure. Wa qawluhu. Et dans Sourate Al-A'la, versets 2 et 3, Alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada. Dans Sourate Al-Furqan, le verset 2, Wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Et dans Sourate Al-Anbiya, le verset 104, Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Tout comme nous avons fait la première création, nous la recommençons. Nous la recommencerons. Donc, le premier sens de Al-Khalq, c'est ce que vous connaissez tous. Lorsqu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé telle chose ou telle chose. Le deuxième sens de Al-Khalq, c'est bima'na taqdir. Décréter. Décréter, estimer, décréter. Wa minhu qawluhu khalaqal adim. Ou qawluhum khalaqal adim. Ay قدره وقول الشاعر ولا انت تف ولا انت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري اي انت اذا قدرت امرا امضيته وغيرك يقدر ثم لا يمضي الشيء الذي قدره وقوله وتخلقون افكا. طيب. Donc le deuxième sens de Al-Khalq, c'est le fait de déterminer une chose qui doit se réaliser, d'estimer une chose, de prévoir une chose. La traduction ici est assez subtile. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, lorsqu'il décrète une chose, elle arrive. Comme il l'a décrété, comme il l'avait estimé, comme il l'a voulu, subhanahu wa ta'ala, car c'est, en plus d'être al-khaliq, al-khallaq, c'est aussi al-alim. Il est parfaitement savant. Alors que toi, lorsque tu prévois de faire une chose, ou tu fais une estimation, tu penses que ça se passera comme ceci, comme cela, Ça peut tomber juste. Et tu peux aussi te tromper. Allah Azza wa Jal, lui, il n'oublie pas, ni se trompe, subhanahu wa ta'ala. Car il crée avec une science parfaite. Et décrète avec une science parfaite. Il sait ce qui allait se passer. Il a donc créé la plume et lui ordonna de tout écrire. Et tout ce qui est dans le destin se réalise exactement comme Allah Azza wa Jal l'a décrété. Lorsqu'il le veut, subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah, ici, nous dit qu'il est le meilleur des créateurs. Est-ce qu'on doit comprendre par cela qu'autre qu'Allah Azza wa Jal peut créer à partir du néant? Non. Car on a vu ici qu'il y avait deux sens pour Al-Khalq. Donc lorsqu'on parle de Al-Khalq pour les créatures, c'est dans le deuxième sens. Donc ils peuvent faire à partir de quelque chose. Ils peuvent faire à partir de quelque chose. Par exemple, ce bureau, le fils d'Adam l'a créé. Mais est-ce qu'il a créé le bois à partir de rien? Seul Allah Azza wa Jal est capable de faire cela. Mais le fils d'Adam prend ce qu'Allah a créé et ensuite il le transforme. Tayyib. Ça c'est bima'an al-khalq. Mais créer à partir de rien est une propriété qui est pour Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. أما الخلق الذي هو إبداع الشيء وإيجاده على غير مثال سابق فمتفرد برب العالمين. Par contre, le fait de créer à partir de rien, qui revient au sens de l'ibda, cela est une propriété qui est exclusivement attribuée à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut créer, ne serait-ce qu'une mouche. Une mouche, si l'ensemble des hommes et des djinns se réunissent pour créer une mouche, ils ne pourront pas le faire. Et lorsqu'ils disent qu'ils ont réussi à développer telle chose, à faire telle chose, c'est toujours à partir de quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé à partir de rien. Et une des personnes égarées, à l'image des gens qui pensent avoir atteint le summum de l'intelligence en délaissant les livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala et le Coran, a dit en réfutation aux musulmans, Ana astati'un an akhluq. Il a dit, moi je peux créer. On lui a dit comment? Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris des aliments, l'a mis dans une boîte et il a laissé. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque ça va pourrir, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Il y aura des vers. Ça? Il a dit, voilà, moi aussi j'ai créé. Alors la personne en face lui a dit, tout créateur, lorsqu'il crée une chose, il est parfaitement connaisseur de ce qui se trouve à l'intérieur. Et du nombre, et des caractéristiques. Alors informe-moi du nombre de vers qu'il y a et de leurs caractéristiques. Et évidemment, il n'a pas pu répondre. Allah subhanahu wa ta'ala ahsa kulla shay'in adad. Il connaît ses créatures, c'est lui qui les a créées. Il connaît le nombre, leurs caractéristiques, ce dont ils ont besoin, ce qui leur nuit, ce qui leur amène le bien, et ainsi de suite. Donc seul Allah Azza wa Jal peut créer. Les gens au jour d'aujourd'hui prétendent avoir atteint le summum de l'intelligence et de la technologie. Et il n'arrive pas à faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait parmi les plus petites créatures. Le fils d'Adam ne cesse de découvrir au jour d'aujourd'hui des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans les airs ou que ce soit dans les mers. Quotidiennement, il découvre des nouvelles créatures. Ala kullin, comprenez que le sens de l'khalq, amadha, est différent selon le contexte et selon à qui nous l'attribuons. Lorsqu'on l'attribue au fils d'Adam, ça n'a pas pour sens celui qui a créé la chose à partir de rien. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre cette évidence dans le Coran en nous disant: Hal min khaliqin ghayrullah? Dans Surat Fatir, Afwan Allah nous dit: est-ce qu'il y a un autre créateur en dehors d'Allah? Yani la réponse c'est un nafi, c'est la négation. Yani ma'anahu nafi. Ça c'est un istifham qu'on appelle inkari, le sens c'est la négation. C'est-à-dire il n'y a pas d'autre créateur avec Allah. Pourtant dans l'autre verset, nous disons fatabarakallahu ahsanul khaliqi. Le meilleur des créateurs. Et ici nous disons il n'y a pas de créateur avec Allah. Comment expliquer cela? Ça revient au sens que nous avons dit. Donc il n'y a pas d'autre créateur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il peut créer à partir de rien. Wa qala ta'ala hadha khalqullah fa aruni madha khalaqa alladhina min dunihi bal adh-dhalimuna fi dhalalin mubin. Dans sourate Luqman le verset 11, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: voici la création d'Allah. Montrez-moi donc ceux qu'on crée, ceux qui sont en dehors de lui. Autre qu'Allah Azza wa Jal. Hein? Les djinns, al-ins, al-shuraka, tout ce que vous adorez, montrez-nous ce qu'ils ont créé. Taïeb. Mais les injustes sont dans un égarement évident. Et dans ces versets, ici, on lance un défi à l'ensemble des créatures de ramener ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Allah subhanahu wa ta'ala plus encore nous montre que l'ensemble des gens, même après s'être réunis, même après s'être réunis, que ce soit l'ensemble des hommes ou l'ensemble des djinns ou les deux, ne seraient pas capables de créer une mouche. Une seule mouche parmi les plus faibles créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis parmi les animaux. Qala Allah dans sourate Al-Hajj verset 73-74: Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u la. Ou vous les gens, on vous a cité ici une parabole, écoutez-la. Ici Allah Azza wa Jal nous appelle à prêter oreille à ce verset en nous disant: fastami'u la. Inna alladhina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la wa iyaslubuhum adh-dhubab shay'an la yastanqidhuhu min wa'afa at-talib wal matlub ma qadara Allah haqq qadrihi inna Allah la qawiyyun 'aziz. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô vous les gens, on vous a cité une parabole, écoutez-la. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah ne pourront jamais créer une, ne serait-ce qu'une seule mouche. Quand bien même ils se réuniraient tous, yani l'ensemble des gens, si tout le monde se réunissait pour créer une seule mouche, ils ne pourraient pas le faire, ni dans le présent, ni dans le futur. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et si cette mouche, et si une mouche leur prend quelque chose, ils n'arrivent même pas à la récupérer. Une mouche, cet animal qui fait partie des animaux, mada les plus faibles. Si la mouche te prend une chose, les savants disent comme exemple, par exemple, quelque chose dans le plat, dans la nourriture. Une mouche se pose sur le plat et repart avec quelque chose, hein? Le fils d'Adam n'est pas capable de rattraper cette mouche et de récupérer ce que la mouche lui a volé. Subhanallah. Tayyib. Un autre exemple, si cette mouche se pose sur toi et te prend du parfum et repart, tu n'es pas dans la capacité de récupérer ce parfum. Alors qu'il s'agit ici de quoi? D'une mouche. Hein? D'une mouche qui ne pèse rien. Tayyib. Si l'homme n'est pas capable de créer une mouche, ni de récupérer ce qu'une mouche aurait pu lui prendre, comment est-ce qu'il pourrait mériter l'adoration? Allah subhanahu wa ta'ala ici nous appelle à méditer en vrai pour nous montrer quoi? Que c'est lui le seul créateur, l'omnipotent, le savant, c'est donc le seul à mériter entièrement l'adoration subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit ensuite: ضعف الطالب والمطلوب. Il a qualifié l'ensemble par l'attribut de la faiblesse. At-talib wal-matloub. La mouche est celui qui, Amaza, qui s'est fait prendre cette chose, ou ça a, expliqué, ça a été expliqué également autrement. Ma qadarullah haqqa qadirihi. Ils n'ont pas estimé Allah comme ils le méritaient. Inna Allah la qawiyun aziz. Certes, Allah est fort et puissant. Donc, subhanallah, celui qui prétend pouvoir créer, voici un défi qui a été lancé dans le Coran. Une mouche. Celui qui prétend avoir le droit d'être adoré, voici un défi. Et celui qui adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, voici une évidence. Celui qui médite sur ce verset délaisse l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et revient à celui qui n'a pas créé que la mouche, mais celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui a créé l'arsh al-azim, celui qui a créé le kursi, celui qui a créé les plus grandes créatures, al-jibal, wa khalaqa kulla shay, et celui qui est le créateur de toutes choses. Thumma inna khalq Allah li hadhihi al-makhluqat lam yakun lahwa aw abatha aw la'ib. Après cela, sachez, chers frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé la création et tout ce qui se trouve dans les cieux, dans les mers, sur la terre, entre les deux, il n'a pas fait cela en vain, ni à titre d'amusement. Mais il a fait cela pour une sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala tanazzah wa taqaddasa an yakhluqa abatha. Allah est exempté et éloigné et purifié du fait de créer sans sagesse. C'est le khaliq Al-Alim, Al-Hakim. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur, le sage et le savant subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il fait une chose, il l'a fait avec science. Il l'a fait avec omnipotence. Et il l'a fait avec sagesse, tabaraka wa ta'ala. Il nous dit dans son livre, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. عفواً وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إنا كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فأدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. Dans ce verset de sourate Al-Anbiya, verset 16 jusqu'au verset 18, Allah subhanahu wa ta'ala a renié le fait qu'il ait créé les cieux et la terre pour s'amuser. Dans Suratul Mu'minun, dans la sourate les croyants, verset 115-116, il nous dit: Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahu al-Malik al-Haq la ilaha illa hu rabbul arsh al-karim. Pensez-vous que nous vous avons créé en vain et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Allah est au-dessus de cela. Le roi, la vérité, nulle divinité ne mérite véritablement d'être adoré en dehors de lui, le seigneur du noble trône. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créé à titre d'amusement, et il ne nous a pas créé en vain, pourquoi est-ce qu'il nous a créé subhanahu wa ta'ala? Dans deux versets, il nous cite la sagesse. Il nous dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc, quelle est la hikma? Quelle est la sagesse? C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire de l'unifier d'un culte sincère. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله, celui qui a créé les sept cieux et pareillement pour les terres, l'ordre descend entre les deux afin que vous sachiez qu'Allah est parfaitement omnipotent, parfaitement capable, et qu'Allah a embrassé de sa science toutes choses. Donc, Allah nous a créés pour que nous le connaissions. Donc tu as été créé pour connaître Allah Azza wa Jal et l'adorer d'un culte sincère. فَخَلَقَنَا رَبُّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِنَعْرِفَهُ وَنُفْرِدَهُ بِالْعِبَادَةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Donc, à la fin de Surat al-Talaq, le divorce, et le verset de 56 de Surat al-Dhariyat, les vents éparpillés, si je ne me trompe pas. Donc, cette croyance au nom d'Allah, Al-Khaliq et Al-Khallaq, doit avoir un effet dans tes adorations et dans ta croyance. Et nombreux sont ceux qui se sont égarés dans ce domaine. Ils ont reconnu qu'Allah était le seul créateur, mais cela ne les a pas poussés à unifier Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. Avoir comme croyance qu'Allah est le seul créateur, puis s'arrêter à cela, n'est pas ce qui est demandé. Tu dois reconnaître qu'Allah est l'unique créateur. Et vu que c'est l'unique créateur, le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Contrairement à Kuffar Quraysh et d'autres qui ont reconnu qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le seul créateur, unique dans ses actions envers ses créatures, le seul propriétaire et le seul gérant, mais malgré cela, ils ont pris des intermédiaires dans le culte entre eux et Allah Azza wa Jalla. Alors que lorsqu'on leur demande qui est-ce qui a créé le ciel et la terre, ils répondent c'est Allah. وَلَا نِسَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَقُولُونَ اللَّهِ. Donc ils ont cette croyance, mais ils n'ont pas fait suivre cette croyance de ce qu'il fallait comme unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le culte. Ils reconnaissent donc qu'Allah est le créateur des cieux, de la terre, des montagnes, de tout ce qu'il y a dans les cieux et dans les mers. Mais au moment du culte, ils adorent Allah et adorent avec lui autrui. Et ceci est le plus grand péché, le plus grave. Ash-shirku billahi al-azim. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Et voici le sens du verset 106 de sourate Yusuf. Ils ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Ils ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. C'est-à-dire, ils ne croient en Allah dans Tawhid al-Rububiyya comme étant le seul créateur, le seul propriétaire, le seul gérant, unique dans ses actes envers ses créatures, mais qu'en lui donnant des associés dans le culte. Ibn Abbas nous dit, quand tu leur demandes qu'est-ce qui a créé les cieux et la terre, ils disent c'est Allah, mais ils adorent autre que lui. Voyez, ils sont associateurs. Et la question a été posée à Cheikh Fawzan Hafidhahullah Ta'ala sur le sens de ce verset. Il a répondu, comme je vous ai dit, ils reconnaissent, ils croient en Allah, c'est-à-dire dans Tawhid al-Rububiyya, et ils lui donnent des associés, c'est-à-dire dans Tawhid al-Uluhiyya. Allah nous dit dans Surat al-An'am, au début, Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Loué soit Allah, celui qui a créé les cieux et la terre et a fait l'obscurité et la lumière. Puis ceux qui ont mécru lui donnent des égaux. Ibn Abbas nous dit yuridu عدلوا بي من خلق الحجارة والأصنام بعد أن أقروا بنعمتي وربوبيتي. C'est-à-dire qu'ils se sont dirigés vers des créatures et les ont adorées comme les pierres et comme les statues, après avoir reconnu que c'est Allah qui leur donnait les bienfaits et qu'il était unique dans sa seigneurie. Et nombreux sont les versets dans le Coran où Allah Azza wa Jal utilise ce que les mécréants, les associateurs ont reconnu, c'est-à-dire Tawhid al-Rububiyya, pour les réprimander sur ce qu'ils ont rejeté, c'est-à-dire Tawhid al-Uluhiyya. Pour nous montrer qu'ils sont dans l'erreur et l'égarement. Car celui qui reconnaît qu'Allah est l'unique à avoir tout créé, le seul à donner la vie et la mort, le seul à gérer tout ce qui se passe dans les cieux et la terre, cette croyance devait l'entraîner à l'adorer seul d'un culte sincère. Et ce dont nous parlons là a la plus grande importance. Afin de distinguer d'une manière claire al-shirk wa al-tawhid, le polythéisme et l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Certaines personnes prétendant être musulmanes sont tombées dans cela. Ils disent, non, je ne suis pas un associateur. Moi, je sais qu'Allah existe et c'est lui qui m'a créé. Et c'est lui qui me donne à manger, c'est lui qui me donne à boire, c'est lui qui me soigne. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort et ainsi de suite. Mais lorsque tu regardes ses actions, lorsqu'il a un problème, il se dirige vers qui? Il va voir les devins. Il va voir les marabouts. Il égorge pour autre qu'Allah. Il invoque autre qu'Allah. Il donne l'adoration autre qu'Allah Azza wa Jal. Et il pense qu'il est musulman. Hada mushrik. Kafir. Lannahu sarafa shay'an min al-ibadati li ghayrihi. Cette personne-là n'est pas musulmane. Celui qui reconnaît qu'Allah c'est le seul créateur, le seul propriétaire, le seul gérant, mais lorsqu'il adore Allah, il partage l'adoration entre Allah et un autre. Ça, c'est du polythéisme, du shirk akbar. Ceux qui égorgent pour les tombeaux, pour les djinns, les shayatines. Ceux qui pensent qu'autre qu'Allah Azza wa Jal connaît la science de l'invisible de manière absolue. Voyez, ces gens-là sont des polythéistes. Comme Abu Lahab et Abu Talib, il n'y a aucune différence entre eux. Ils ont reconnu le tawhid al-rububiyya et ont donné des associés à Allah Azza wa Jal dans l'uluhiyya. Ce sont des mushrikoun. Et s'ils meurent sur cela, ils sont ressuscités avec Fir'aoun, wa Qaroun, wa Ubay ibn Khalaf, wa Abu Lahab et l'ensemble des associateurs, wal'iyadu billah. Allah dit dans le Coran, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard, la yaquluna Allah. Qul alhamdulillah, bal aktharuhum la ya'lamun. Si tu leur demandes, qui est-ce qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Donc Allah Azza wa Jalla nous a cité qu'ils ont reconnu cela. Tawhid al-Rububiyya. Ensuite, il dit Qulil hamdulillah. Dis la louange, reviens à Allah. Bel aktharum la ya'lamun. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Dans un autre verset, Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay'. الجواب واضح معلوم لا شك أن الجواب الذي لا جواب لهم غيره هو لا donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allah est celui qui vous a créé puis vous a donné votre subsistance puis il vous fera mourir puis il vous ressuscitera. Est-ce que l'une de vos fausses divinités de ces associés que vous avez donné à Allah est capable de faire cela? La réponse, elle est évidente. Et même eux reconnaissent que la réponse est non. Les idoles, les pierres, les statues, les saints, les djinns, les prophètes, les anges, personne n'est capable de faire cela. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikou. Allah Azza wa Jal est exempté de tout ce qu'il lui donne comme associé. Dans Surat al-Mu'minun, Surat les croyants, versets 84, 85, 86, jusqu'au verset 89. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ. الله سبحانه وتعالى nous dit à qui appartient la terre, ce qui s'y trouve, si vous savez. Ils diront à Allah. Dit, ne réfléchissez donc vous pas, ou ne vous rappelez-vous donc pas. Dit, qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône immense? Ils diront Allah. Dit, ne le craignez donc vous pas. Dit, à qui appartient la royauté de toutes choses? Ensuite, je ne saurais pas traduire wa huwa yujir wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Ils diront c'est Allah. Donc on voit ici qu'ils ont reconnu qu'Allah Azza wa Jalla était unique dans ses actions envers les créatures. Le seul créateur, le seul propriétaire, le seul gérant, le seul à pouvoir donner la vie, le seul à pouvoir donner la mort, et d'autres parmi les propriétés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla, ici, les réprimant de lui donner des associés après avoir reconnu cela, car une grande règle, Tawhid al-Rububiyya, tastalzim Tawhid al-Uluhiyya. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. Le fait de reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie doit entraîner du serviteur l'unicité d'Allah dans le culte. Toute personne qui a reconnu qu'Allah était le seul créateur, le seul propriétaire et unique dans ses actions envers les créatures se doit ensuite d'adorer Allah azza wa jal d'un culte sincère. Allah nous dit dans le Coran, Allahu khayrun amma yushrikun. Amman khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'a fa anbatna bi hada'iqa dhata bahjatin ma kana lakum an tunbitu shajaraha a ilahum ma'a Allah bal hum qawmun ya'dilun. وقالت على الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Donc dans ces versets, Allah nous cite de ses propriétés, comme la création des cieux et de la terre, comme le fait de faire descendre la pluie, des nuages, le fait de faire pousser la culture et encore d'autres propriétés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous montre que c'est le seul à faire cela. Donc on ne doit pas lui donner d'ego dans le culte. Et on s'étonne grandement du manque de raison des associateurs et de la bêtise que l'on trouve dans leur culte et leurs pratiques religieuses. Allah nous dit Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Allah nous dit, est-ce qu'il donne comme associé ce qui ne peut créer? Comment est-ce que vous pouvez adorer autre qu'Allah Azza wa Jal alors que vous reconnaissez vous-même que ces choses-là n'ont pas le pouvoir de créer? Et elles-mêmes, elles sont créées, ces choses-là. En plus de cela, elles ne peuvent pas vous secourir, ni se secourir elles-mêmes. Celui qui adore une statue, une pierre, un arbre, est-ce que cet arbre peut le défendre? Non. Est-ce que cet arbre peut se défendre lui-même? Non plus. Donc ça nous montre vraiment la bêtise lorsque tu trouves des gens venir se recueillir dans des domaines, dans des endroits, auprès des tombes, des cimetières et ainsi de suite. Certaines personnes font comme faisait le peuple d'Ibrahim a.s. Ils posent de la nourriture. Et ils disent qu'on va avoir la baraka, la bénédiction. Et ils font l'i'tikaf auprès de certains cimetières, auprès de certains endroits qu'ils prétendent comme étant bénis. Tout cela fait partie du shirk. Tout cela fait partie du shirk. Comment est-ce qu'ils ont pu rendre égale la poussière au Seigneur de l'ensemble des créatures? La créature au Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, « Alladina tad'ouna min dounillahi ibadun amthalukum, fad'ouhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. » Allah nous dit, « Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Invoquez-les donc, si elles peuvent, yani, vous répondre. Ou bien invoquez-les, et qu'elles vous répondent si vous êtes véridique. Fata'ala Allah amma yushrikun. Avec cela, tu vois l'égarement profond mada des associateurs. Et chaque nom et attribut que tu étudies doit augmenter ta science ta connaissance d'Allah, ton amour pour lui, ta crainte également. Ça doit avoir une répercussion, un impact dans tes adorations au quotidien, dans ton comportement au quotidien. Par exemple, celui qui reconnaît qu'Allah Azza wa Jal, c'est le seul créateur. Tayyib. La plus grande chose que ça doit lui donner, c'est quoi? Tawhid al-uluhiyya. Le fait d'adorer que Allah Azza wa Jal et de ne jamais lui associer quoi que ce soit. Pourquoi? Car le créateur, c'est le seul qui mérite d'être adoré. Allah nous dit dans le Coran, et c'est le premier ordre du Coran, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, vous ainsi que ceux qui vous ont devancé. Donc ici Allah Azza wa Jal nous ordonne de l'adorer lui seul. Pourquoi? Parce que c'est notre Seigneur. Et parmi les propriétés du Seigneur, il y a quoi? Al-Khalq. Le fait qu'il soit le seul créateur. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Celui qui reconnaît qu'Allah Azza wa Jal, c'est le seul créateur, il ne se dirigera que vers lui pour avoir les bienfaits de ce bas monde et de l'au-delà. Car tout ce que tu vois, qui est-ce qui l'a mis sur terre? Qui est-ce qui l'a créé? Tout ce que tu espères, c'est la propriété de qui? C'est la propriété du créateur. Alors tu rattaches ton cœur au Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Lorsque ton regard se pose sur un bienfait d'Allah Azza wa Jal dans ce bas monde, que ton cœur ne penche pas vers cette créature et vers celui qui a dans sa main ce à quoi tu aspires, mais que ton cœur soit toujours rattaché à celui qui a créé, le propriétaire pour un temps déterminé de ce bienfait. Est-ce que c'est clair? Toi, par exemple, tu es à la recherche d'un travail, tu as un entretien. Il y a le patron. Est-ce que tu as le droit de placer ta confiance en ce patron? Est-ce que ton cœur peut pencher vers cette personne et te dire que si lui, il décide, tu auras ce que tu recherches et personne ne pourra t'empêcher de l'atteindre? Et si lui, il ne veut pas, alors tu n'obtiendras jamais ce travail? Non. Tu dois te dire, cette personne-là, c'est une cause. Et toi, tu vas faire toutes les causes. Mais c'est Allah qui a créé cette personne-là. Et c'est Allah qui a créé l'argent. Et c'est Allah qui est le propriétaire de toutes choses. Alors ton cœur ne doit se rattacher que vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais les causes. Mais l'épreuve, elle est où? Dans le fait de ne pas faire pencher ton cœur vers cette chose. Et ça sera, incha'Allah ta'ala, probablement la khutbah de demain. At-tawakkul 'ala Allahi rabbil 'alamin. Subhanahu. Parmi les effets ou parmi les na'am, le comportement adopté après avoir médité ce nom, c'est ad-du'a, al-ikthar min ad-du'a, le fait de faire beaucoup de du'a. Celui qui sait qu'Allah Azza wa Jal, c'est le créateur de toutes choses. Lorsque tu voudras une chose, tu sais que tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le crée. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ad-du'a. Tu vas faire ad-du'a, tu vas demander. Et Allah subhanahu wa ta'ala est ala kulli shayn qadir, sami'un basir, hayyun qayyum la yamut, khallaqun alim, hakim, karim, subhanahu wa ta'ala, ghaniyun, hamid. Tous ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala nous montrent que c'est lui qui donne. À partir de là, fais en sorte que ton cœur soit toujours rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Ton cœur ne doit jamais pencher vers les créatures. Et wallahi thumma wallah, que tu vois l'humiliation de certains serviteurs dans le domaine de la recherche de la subsistance. Pourquoi? Parce que ce nom-là n'a pas eu l'effet dans leur cœur. Ils n'ont pas assez el-yaqin dans ce nom-là. Tu vois les gens vouloir quelque chose, quelle que soit la chose. Tu les vois s'humilier devant les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sahib al-tawhid, hein? La yakhda' illa amam Allah azza wa jal. Celui qui a le tawhid fi qalbi, tu ne le vois jamais s'humilier, se rabaisser devant autre qu'Allah azza wa jal. Pourquoi? Il sait qu'Allah, c'est lui le créateur de toutes choses. Wallahi, même le qalb, le cœur qui est dans la poitrine de ce serviteur qui est devant toi. Toi, tu veux telle chose. Ben même son cœur, c'est Allah qui l'a créé et c'est lui qui le dirige comme il le veut. Comme il le veut. Pourquoi est-ce que tu vas t'humilier devant quelqu'un pour avoir par exemple de l'argent? Ou parce que par exemple tu demandes sa fille, tu veux qu'il te marie sa fille. ou tu veux quelque chose de dunya. Hein? Tu vois même des muslims, tu vois même al-muslim, hein, certaines personnes s'humilier, hein, devant des gens qui ne respectent même pas Allah subhanahu wa ta'ala, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui parlent en mal de l'islam. Pourquoi ils s'humilient devant lui? Ils s'humilient devant lui d'une façon qu'il ne ferait jamais même devant ses frères, peut-être même au masjid. Pourquoi? Parce qu'il veut ce qu'il y a dans la main de cette personne. Amma al-muslim, celui qui a l'yaqin fi wa'adillahi azza wa jal, celui qui connaît Allah tabaraka wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs, jamais il ne s'humilie ainsi. Hein? Il est humble avec les serviteurs d'Allah azza wa jal. Il est doux avec les serviteurs d'Allah azza wa jal. Amma an yatadhallala amama al-ibad wa an yamila qalbuhu ilayh, hadha la yakun illa lillah. Le croyant, il est humble. وَخْفِذْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah Azza wa Jal nous ordonne d'être humbles les uns envers les autres et de baisser de l'humilité. Mais de là à faire pencher ton cœur vers la créature d'Allah Azza wa Jal et venir tendre ta main et t'humilier devant les gens parce que tu veux une chose que tu vois dans sa main comme bienfait de dunya et chose terrestre, tu n'as pas la certitude dans le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Khaliq, Al-Razzaq, et ainsi de suite. Donc, Wallahi, l'étude des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, ça a un effet azim jiddan dans la vie du croyant. Et on cite ces exemples-là parce que c'est des choses qu'on a vues. Wallahi, des choses qu'on a vues. Des gens qui sont durs envers les croyants et qui s'humilient devant des gens qui insultent Allah, Rabbul Izzati wal Jabarut. Et qui se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pour avoir des choses de dunya. Et lorsque tu le vois dans ses mu'amalat avec son frère, qui fait sujoud à côté de lui, fil masjid, hein, tu ne trouves pas de noble caractère. On ne te demande pas de t'humilier devant lui. Mais, il y a d'avoir rifq, de la douceur, d'avoir du respect, et d'être humble. Tayyib. Donc ça, c'est certains effets qui habitent le cœur du serviteur lorsqu'il comprend le sens des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons nous arrêter là. Incha'Allahu ta'ala, demain, il y aura cours. Et peut-être qu'on verra l'explication d'autres noms qui sont en rapport. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, ça a une connotation de création. Si ce n'est que ça a des étapes différentes. Avant que la chose soit créée, pendant que la chose est créée, comment la chose est créée et sous quelle forme elle est créée. Dans chaque nom d'Allah, il y a un attribut. Dans chaque nom d'Allah, il y a un attribut. Donc probablement que demain, nous étudierons cela, ou bien le début de l'histoire de Youssouf, alayhi salam, cette magnifique histoire qu'Allah Azza wa Jalla a citée dans le Coran, dans une sourate complète. Et de nombreuses fois, on m'a demandé ce que nous allons étudier ensuite. Donc probablement qu'on unira entre plusieurs choses. Qisasul Anbiya, l'histoire des prophètes. Par un moment, l'étude des noms et attributs d'Allah Azza wa Jalla. Et on va prendre le livre, Incha'Allahu Ta'ala, l'Usul al-Thalatha. Les trois fondements. Tayyib. Et au début de l'année prochaine, Incha'Allahu Ta'ala, si on est encore là, Kitab al-Tawhid. Alladhi wa haqqullahi al-abid. Ce livre extraordinaire ou magnifique qui a été écrit par Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, qui t'enseigne l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration et à perfectionner ton tawhid. Celui qui étudie ce livre, bi'idhnillah, c'est un signe qu'Allah Azza wa Jal a voulu son bien s'il le met en pratique. Et sans aucun doute, c'est un des meilleurs livres qu'Allah Azza wa Jal nous a facilité à étudier. Walhamdulillah, alladhi bi tatimmu s-salihat, wa sallallahumma barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et si je ne suis pas là demain, c'est que j'ai eu un empêchement.